Maxi Sud. Voilà, donc Jacques Barbezange, maire et conseiller départemental de Baraqueville. Alors Baraqueville va accueillir la première quinzaine de septembre pour la troisième fois le concours national de la race limousine. C'est un prestige quelque part parce que nous sommes au-delà de la souche et de la seule ville à avoir accueilli pour la troisième fois ce concours. Donc c'est bien, c'est une belle récompense à la fois pour la collectivité, bien évidemment pour la communauté de communes et le département, mais c'est aussi une belle récompense pour les éleveurs. Et c'est eux quand même qui travaillent, c'est eux qui produisent ces magnifiques animaux, et venir les voir concourir à Baraqueville, c'est valorisant et c'est une belle récompense pour eux. Trois jours à ne pas manquer. Trois jours à ne pas manquer, avec beaucoup d'activités pendant les trois jours, avec aussi des présentations, avec des exposants, avec des conférences, avec bien sûr les scolaires qui sont mobilisés pour venir visiter. C'est vraiment trois jours non-stop, très prenant et encore une fois prestigieux. Donc je suis Karine Clément, je suis présidente de la communauté de communes du Pays Ségalie. Donc on accueille ce concours limousin, un concours national limousin 12, 13 et 14 septembre sur Baraqueville. On est très heureux d'accueillir sur le territoire, alors de la commune de Baraqueville, mais le territoire de la communauté de communes du Pays Ségalie, puisqu'on est un territoire rural, agricole, avec le veau du Ségalin, hein, bien entendu. Et donc ce concours va mettre en valeur tout le travail des éleveurs, mais alors qui est très large, qui va plus loin que notre territoire. Et on espère aussi qu'il va mettre en avant l'attractivité et le dynamisme de notre territoire, puisqu'on va accueillir de nombreux visiteurs sur la commune de Baraqueville et sur le Pays Ségalie. Et on espère que les gens vont venir pour voir ce concours, mais aussi venir et revenir visiter notre territoire, découvrir les pépites qui s'y cachent, que ce soit Sauveterre de Rouergue, que ce soit avec la commune de Calmont, le château du Bosque. Voilà, il y a plein de choses sur notre territoire. Donc c'est aussi l'objectif, c'est accueillir de nombreux visiteurs et qu'ils reviennent pour consommer sur notre territoire. Et là, ils vont voir aussi l'excellence du travail des éleveurs pour mettre en avant cette race limousine. Donc voilà, donc on est ravis que le territoire du Pays Ségalie accueille ce concours. La communauté de communes le soutient, que ce soit financièrement ou avec ses installations qui sont de grande qualité. Donc voilà, j'en dirai pas plus, on est très fiers. Voilà, puis la force du Pays Ségalie, c'est de voir ces jeunes exploitants agricoles qui s'installent et cette génération qui est assurée, c'est rare, hein. Oui, alors on y travaille aussi, hein, parce que la transmission des exploitations est un sujet important pour nous les élus, puisque on a de nombreuses exploitations agricoles, on a de la transformation des produits agricoles aussi sur notre territoire, et il faut transmettre ça aux jeunes générations pour qu'on continue demain d'avoir des agriculteurs sur notre territoire, et puisque le territoire du Ségalin a été façonné par les agriculteurs, hein, par les paysans du territoire. Donc il faut conserver cette activité agricole sur notre territoire et transmettre. Donc le concours, avec la venue des écoles aussi sur ce concours-là, permet de transmettre l'envie aux jeunes de faire ce métier-là. Dans une belle vitrine début septembre. À une belle vitrine de la race limousine, mais aussi du Ségalin et du département de l'Aveyron, puisque c'est tout le territoire qui va rayonner grâce à ce concours. Donc Nicolas Puel, éleveur à Lessac, avec 90 mères limousines et 550 brebis laitières. On fait le lait pour le entrée pour le petit basque qui va faire des yaourts à Bordeaux. Je suis du coup depuis 2020 co-président du syndicat Limousin Aveyron avec mon collègue qui n'est plus là malheureusement, Anthony Moisset, qui pour lui avait à cœur, qui était du coin de Baraqueville, qui c'était son national. Donc on va essayer, on va faire un national pour lui. Et on va faire en sorte que cette manifestation se déroule très bien. Donc, que représente pour vous ce concours national limousin 2025 en Aveyron du côté de Baraqueville? Mais c'est une fierté déjà de le recevoir. Après, nous, on veut montrer ce qui se fait déjà dans l'Aveyron, toutes les productions, les productions de veau d'Aveyron, les productions de broutard, montrer que la limousine, elle est capable de produire autant de la viande que des bêtes pour plus de l'élevage, quoi. Et après, on avait à cœur de montrer notre territoire, de l'Aveyron, le paysage, et surtout L'Aveyron est bien représenté au niveau national quand on voit les rentrées en station de qualification, par exemple à Lannion ou à Gélioc. Il y a beaucoup d'Aveyronnais qui sont apporteurs à ces stations. Pourquoi vous êtes-vous intéressé aux limousines ? Mais moi, mon père avait des limousines, donc je suis resté en limousine. J'ai fait un stage, moi, un apprentissage même chez un sélectionneur aveyronnais. Et du coup, c'est lui qui m'a motivé. C'est grâce à lui que j'ai commencé les concours. En 2008, j'ai commencé mon premier concours. Et je remercie cette famille parce que c'est grâce à eux vraiment que j'aimais bien la limousine, mais l'ambiance et la famille Limousine Aveyron, c'est eux qui me l'ont fait découvrir, quoi. Dans les limousines en Aveyron se portent bien. Oui, les limousines en Aveyron se portent bien, elles ont des bons jours devant eux, quoi. Moi, c'est Sébastien Blanc, j'habite sur la commune voisine de Boussac, je suis à 5 km du site. Et j'ai rejoint Nicolas suite au décès d'Anthony pour l'épauler et le seconder. Voilà, moi je suis en Vaud d'Aveyron. Enfin, j'étais en Vaud d'Aveyron essentiellement. Maintenant, j'ai la moitié du troupeau en Vaud d'Aveyron et la moitié du troupeau en vente de reproducteurs en sélection. L'élevage se porte très bien, oui. Surtout la race limousine, c'est une race rustique et qui est polyvalente, quoi. On trouve beaucoup de limousines dans le nord Aveyron à 1000 mètres d'altitude. Et il y en a également sur le Ségala pour faire du Vaud d'Aveyron. C'est une race polyvalente qui s'adapte très bien. La particularité de cette race, c'est quoi exactement ? C'est une race facile à s'adapter à tous les territoires. On peut produire, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut produire aussi bien de la viande, des bêtes plutôt, comme on dit, typées viande, après des bêtes plus mixtes pour avoir des volumes, pour plus avoir un troupeau souche, quoi. Mais, et après, elle s'utilise aussi en croisement. On peut sortir des veaux conformés, je pense notamment au veau d'Aveyron, en croisement, on peut l'utiliser, quoi. Donc les 12 et 13 septembre prochains, c'est le concours national Limousin 2025. Un petit mot à ce sujet ? C'était un très grand événement, donc dont on est vraiment fiers. On est fiers qu'il soit à Baraqueville, c'est la troisième fois que notre candidature a été retenue. Tout ce qui nous manque, c'est Anthony qui s'était battu, c'est Anthony qui le voulait, c'est Anthony qui l'a eu, et malheureusement il n'est plus là aujourd'hui. Mais on va se battre pour lui, on va le réussir pour lui. Anthony, il était installé à Limousine, il faisait la sélection, c'était un passionné, un amoureux de la limousine, quoi. Et ça y tenait vraiment à cœur. Et il s'était battu pour poser la candidature, et il s'était battu pour que le national revienne une troisième fois à Baraqueville. Il avait vu notamment avec la commune, la communauté de communes pour le partenariat, qui a mis les moyens aussi. Puisque la halle a été agrandie, une salle a été faite à proximité pour toute la partie restauration lors du concours. Et Anthony s'était vraiment battu pour ça, quoi. Et il y était arrivé. Voilà, un petit mot par rapport aux perspectives d'avenir, par rapport à votre élevage et par rapport aux limousines en Aveyron. La limousine donc en Aveyron est la première race sur le territoire, c'est la première race. Je pense qu'elle a des bons jours devant elle, puisqu'on voit dans la vente de reproducteurs, il y a des demandes, il y a plus de demandes, on va dire, que ce que la limousine est capable de fournir. Mais il faut espérer que des jeunes s'installent et qu'on continue à développer cette race comme jusqu'à présent, quoi. Moi, je pense qu'en Aveyron, la race limousine continuera, et continuera bien, parce qu'il y a une bande de jeunes là qui ont entre 20 et 30 ans, il y a une quinzaine de jeunes qui arrivent, qui vont s'installer et qui sont motivés. La limousine a de beaux jours devant elle en Aveyron, à mon avis. Benoît Quintard, donc je suis premier vice-président de la Caisse régionale Nord-Midi-Pyrénées, Crédit Agricole. Et puis je suis moi-même agriculteur plutôt sur le nord du département de l'Aveyron, éleveur en volaille, poule pondeuse et des limousines aussi, donc limousines en système broutard. Broutard sélection. Voilà, donc en tant que partenaire, oui, le Crédit Agricole, on est un partenaire historique du concours national limousin avec Centre France qui est tous les ans et qui s'appuie sur la caisse régionale qui reçoit le national chaque année. Donc en l'occurrence, cette année, c'est Nord-Midi-Pyrénées qui est concerné. Donc pour nous, c'est bien sûr, c'est important d'être présent parce que l'élevage allaitant sur ce département est une filière, phare qui est très représentée sur l'ensemble du département. Et la race limousine est la première race sur le département de l'Aveyron. Mais c'est aussi le berceau du veau d'Aveyron et du Ségala. Et donc, quand on entend Ségala, c'est un territoire qui va aussi qui englobe une partie du Lot et du Tarn. Donc, ce qui correspond aussi à notre périmètre de la caisse régionale et un peu du Tarn-et-Garonne aussi. Il y a quelques élevages aussi. Donc, c'est très significatif pour nous d'être un partenaire majeur sur ce concours national, parce que ça met en avant aussi tout le travail des éleveurs et de la génétique. Et on a un bon nombre d'éleveurs sur ce département qui font partie aussi des éleveurs de renom dans la race limousine et qui permettent de mettre à l'avant cette génétique et de l'exporter en dehors du département. Et puis, je dirais que c'est tout un écosystème aussi derrière pour nous, à travers l'accompagnement des éleveurs. On accompagne aussi tout ce qui gravite autour du monde de l'élevage, donc que ce soit toutes les entreprises qui sont en lien ou pour nourrir les animaux ou aussi dans l'agroalimentaire. Et on est le partenaire financier aussi de tous ces acteurs-là. Donc pour nous, c'est vraiment stratégique et important d'être présent. Et puis aussi, sur l'affiche, il y a la notion de transmettre. Et pour nous, transmettre les exploitations, c'est aussi un enjeu capital pour nos territoires et puis pour la vie de nos territoires. Donc on a un axe fort aussi au niveau du Crédit Agricole pour accompagner tout ce qui est l'installation et la transmission des exploitations. Et je crois que le syndicat limousin s'est aussi préoccupé de ces aspects-là, et il est important de valoriser, de bien mettre en avant ce beau métier d'éleveur. Et nous, on veut être aux côtés de ces éleveurs pour justement parler positivement du métier. Et on est aussi sur une période où finalement on sent qu'il y a une orientation plutôt positive des marchés autour de la viande bovine et l'attrait notamment des acheteurs italiens mais aussi des Algériens et Grecs autour de nos produits. Donc je crois que c'est important aussi d'accompagner toute cette dynamique pour demain continuer à pouvoir installer et avoir des exploitations sur l'ensemble du territoire. Donc Émilien Rouet, directeur de la communication de la race limousine. Pour la troisième fois après 1993 et 2002, c'est la troisième fois que le concours national revient à Baraqueville, et avec bonheur, parce qu'on y est très bien accueilli, et aussi et surtout parce que l'Aveyron et l'Occitanie sont un département, une région où la limousine est très présente. C'est la première race à viande présente en Aveyron et en Occitanie, et où les éleveurs sont extrêmement impliqués et extrêmement dynamiques. Et quels sont les points forts à ne pas manquer de ce week-end ? Alors j'ai envie de dire, il n'y a que des points forts au concours national, vous vous en doutez bien. Tout simplement, si on peut le résumer, le concours national limousin, c'est le championnat de France de la race limousine. C'est le plus grand rassemblement mondial d'animaux de la race limousine, 450 animaux présents, 150 élevages venus de toute la France pour, j'allais dire, s'affronter sympathiquement et avec beaucoup de fair-play et beaucoup de convivialité. Tout simplement pour que des élevages de toute la France mesurent leur qualité, la qualité de leurs animaux, de leur travail de sélection, qui est un travail de très très longue haleine. Donc beaucoup d'animaux, beaucoup d'élevages, un beau spectacle, un ring qui fera 800 mètres carrés avec un écran géant, un concours qui va être retransmis en direct sur la page Facebook de la race limousine, sur le site internet et la chaîne YouTube de la race limousine, ce qui fait que tous les éleveurs qui ne peuvent pas être présents, typiquement les éleveurs qui sont restés sur l'exploitation pour s'occuper du reste des troupeaux pendant que leurs collègues, leurs associés ou leurs parents sont présents, peuvent assister au concours. Les éleveurs étrangers qui sont très friands, on fait des pics à 5000 connexions sur le concours national, avec des pics un peu insensés en Amérique du Sud, par exemple. Le concours est très suivi, mais encore une fois, c'est le plus grand rassemblement mondial et le concours phare de la race limousine. Et donc, chaque journée, le vendredi, le samedi, le dimanche, il se passe quelque chose dans le ring, du spectacle, du concours. Et puis, la race limousine, c'est une race à viande. Le premier métier des éleveurs, c'est de nourrir leurs concitoyens. Il y aura aussi un restaurant limousin où on pourra déguster de la viande de bœuf limousin label rouge, du veau d'Aveyron et du Ségala, avec des produits typiquement quoi de mieux localement pour accompagner de la viande limousine que de la Ligo. Ça paraît évident localement. Donc de la restauration, bien entendu, nos partenaires qui seront présents avec leur stand, que ce soit nos partenaires fabricants d'aliments, coopératives, organisations de production, banques et assurances, et bien d'autres, fabricants et vendeurs de matériel agricole. Voilà, tout le monde agricole, toute la filière sera rassemblée autour de cette manifestation phare de l'élevage et de l'élevage limousin en Aveyron et en Occitanie. Voilà, un petit mot également pour dire que c'est une foire intergénérationnelle, puisqu'il y a même un lycée qui participe très activement à cette manifestation. Alors, c'est une foire intergénérationnelle, c'est une manifestation intergénérationnelle, je dirais même c'est une manifestation inter de manière générale. intergénérationnel en effet, puisqu'on va accueillir des scolaires sur la journée du vendredi, des écoles de Barraqueville et même de la communauté de communes du Pays Ségalie, des établissements d'enseignement agricole qui vont venir nous rendre visite également, parce qu'on va travailler étroitement avec le lycée agricole de La Roque, qu'on remercie chaleureusement, puisqu'on va mettre en place une convention de stage de deux classes de BTS qui vont être présents avec nous pendant la manifestation et au démontage. Ça représente une quarantaine, une cinquantaine d'étudiants. Ça fait partie des vocations du concours national, d'aller vers le grand public, d'aller vers les jeunes, de mettre en avant la transmission et la reprise d'exploitation, et donc l'enseignement agricole. C'est pour ça que l'affiche, la baseline, la signature de l'affiche, c'est transmettre, parce qu'aujourd'hui c'est un des enjeux des métiers de l'élevage. Donc oui, c'est intergénérationnel, et puis c'est aussi une manifestation qui est aussi bien tournée vers le grand public, on vient de le dire, vers les consommateurs, que vers le public professionnel, avec évidemment des éleveurs exposants, des éleveurs visiteurs, des professionnels de toute la filière, bien entendu, et puis même des éleveurs étrangers qui vont venir pour participer à la vente aux enchères d'animaux reproducteurs, et tout simplement pour venir voir le meilleur de la génétique limousine, qui est forcément française. La limousine, c'est la deuxième race allaitante, donc race à viande en France, avec 1 100 000 mères vaches. Pour donner l'importance que l'Occitanie et l'Aveyron ont dans les chiffres, c'est 160 000 mères vaches en Occitanie, et 64 000 rien que pour l'Aveyron, ce qui fait de la région la première région en effectif de race limousine, après le berceau historique de race, qui est l'Aix-Limousin, donc Creuse, Corrèze, Haute-Vienne. C'est aussi la première race allaitante à l'export, c'est-à-dire en termes d'animaux vivants exportés dans des pays étrangers. La race limousine aujourd'hui est présente dans plus de 80 pays dans le monde. C'est-à-dire une très très belle expansion. La limousine, elle est connue évidemment pour être une race facile à élever, qui vèle facilement, qui respecte un très bon équilibre entre qualité maternelle, donc la capacité à donner naissance et à élever son veau, et qualité bouchère, puisque sa vocation, encore une fois, c'est de produire de la viande, avec une viande de très très grande qualité, avec une grande jutosité, un grain de viande très fin, qui en fait une viande parmi les préférés des consommateurs. Au niveau des horaires, alors, vendredi, samedi, dimanche, à partir, les concours débuteront en fonction des jours entre 8h et 9h jusqu'à 18-19h le soir.